Vas-y, bah oui, le shit agit comme un chloroforme. T'es sûr? Tout se déforme. Vas-y, c'est Toi naze. que t'as la forme, Ouais, mais là c'est t'as bon, la là, tu forme, me laisses, je pendant que repars là. d'autres dorment. Pendant que d'autres dorment. Dans les C'est dogs. naze. Vas-y, l'unique fait l'intro. Vas-y, c'est bon. Saturé, saturé, la cabane. Égyptien réunionné, deux pays différents, mon cœur est de chaque côté. Dans mon île ou en France, on peut comparer. On vit dans un système où les gens crachent par manque de solidarité, soldats hérités en état d'ébriété, cuité, déchiré. D'un côté la mer, les palmiers, de l'autre les CD, la bouffe apprêtée. Tous dans le bus ghetto à essayer d'avancer, s'intégrer. Le sabbat, le bédo, t'as été oublié, à mieux le sentir, envie de vomir. L'habitude nous fait tenir, on arrive quand même à rire. Moi je comprends pas les hauts placés dans leur délire. Ici le bas sert d'esclaves dans le navire. Alors au galère, on rame, c'est notre quotidien, on écrit. Le texte passe bien comme ma bite dans un vagin. L'âme réunionnaise, je vous aime, j'en écrirai des lignes sans fin. Océan Indien, rage dans l'âme réunionnaise. Océan Indien, jamais plus c'est abusé. Du rap concret, les attirer l'unique genose. Réunion de vrai, les pensées se libèrent en prose. Océan Indien, rage dans l'âme réunionnaise. Océan Indien, jamais plus c'est abusé. Du rap concret, les attirer l'unique genose. Réunion de vrai, les pensées se libèrent en prose. L'instru est phénoménal, sois gentil chez nos mal. Saturé, on a la dalle, dédicace à Murti. Ouais, on manie le mic, et mes garros, c'est pas des likes, des gros pédos, une hâte à tous mes réunionnais, mais dis à où faut partager, entouré de loups qui veulent te manger tous les jours, comme le riz, mes amis, Laurent, Loulou, Thierry, mes lettres par avion jusque la plaine Saint-Denis, j'arrive, peu par la plus, dans les correspondances, tu m'envoies une pensée de la mal, sinon pour tous la même lutte, avec du rhum ça passe mieux, qui est au reflet ici, c'est idem, il ne faut qu'une journée pour faire le tour de l'île de France, malgré la distance, le cœur auprès des miens, je vois la plage, les requins, le soleil à travers eux, car le titre de transport, c'est du 700E. Du rap concret, les attirer l'unique chenose. Réunion de vrai, les pensées se libèrent en prose. Rage dans l'âme réunionnaise. Océan Indien, la même plus c'est abusé. Du rap concret, les attirer l'unique chenose. Réunion de vrai, les pensées se libèrent en prose. J'suis sous, sans crouler sous les sous. Joue le fou, rend les coups, le chômage en amer coup. T.O.M, T.O.M, on n'aime pas Jean-Marie Le Pen. Partout la merde et le thème, le même théorème. Sarko vise ton peine, renforce les haines. Y.N.A.S, le marginal tenu par aucune chaîne. 974, j'ai des cousins dans ta ville. J'en profite pour la famille, voilà les nouvelles. Vers la chaise assurée, on se partit au ciel. Ton fou il pense, c'est pas moyen d'oublier. Y'a pas longtemps ce qui s'est passé. Même si nous loin, pas faibli les autres, c'est mouillant. Chez nos à la prod, on peut produire de la région. Pour aura, y'en a celle lui a dit, c'est car m'amène chez nos. On s'installe, fait ferment pour que ça explose. On s'expose, ça parle de choses et d'autres. Entre de la brèche, là il s'est débarqué à 8 mesures pour tous les coups en galère. Ici c'est fichu, la plupart des jeunes sont recherchés ou sont déjà fichés. Et comme on sait que rien n'y fait, et que nous la bouni ben nous foutre à fond notre l'effet. Parce qu'on est héritier d'une terre qui nous appartient pas. Rien à foutre de leur pression, ils nous verront pas dire pas. Parce que la jeunesse a la rage, elle le prouve par un auto de vol à l'arraché. Jeune malgache pour prostitution, obsédé sexuel et agression de l'église aux institutions. Et pendant que le peuple crève de la chiasse, les riches s'enrichissent et nous traquent comme à la chasse. De nos vies, je sais pas ce qu'ils connaissent. Mais tant que ça durera, ils seront toujours traités de connasses. Car celui qui a le plus d'euros vit heureux en roi, mais malheureusement vit aussi en rat. Comment il est la région? Comment il est? Haïtien débarque, nous-mêmes, Haïti, Océan Indien, nous pas la Réunion, même si nous loin, tu sais mon gros, nouvelle. Ah ouais.